Il y a tant d'affaires. Une cinquantaine d'artistes à la programmation, dont Daniel Bélanger, Karim Ouellette, Luc de la Rochelière, Damien Robitaille, Sarah Toga, les hôtesses d'Hilaire, Lydia Kipinski, Sarah Toussaint Léveillé, Rouge Pompier et plusieurs autres. Le Festival de Tadoussac, un rendez-vous avec la chanson et la nature. Informez-vous sur chansontadoussac.com, une invitation de la bière Belle Gueule. Je nous vois bâtir, soigner, enseigner, chercher et tendre vers un monde meilleur. Je nous vois filmer, écrire, danser, chanter, peindre et réfléchir. Je nous vois tomber et reprendre pied. Et je nous vois accueillants et chaleureux et talentueux, ingénieux, patenteux et ouverts sur le monde. Je nous vois, aujourd'hui et demain, prendre un temps d'arrêt pour célébrer notre appartenance. Tu es, par l'ombre d'un doute, Québec, l'emblème de notre fierté. Québécois et Québécoises, bonne fête nationale! Bonsoir tout le monde et surtout bonne Saint-Jean. Et vous êtes à l'émission Terra Incognita jusqu'à minuit ce soir. Vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, France et Jean-François à l'animation. Bonsoir France et Bruno. Bonsoir. Ben oui, Bruno qui nous fait des beaux babayes. Ben oui, et comme c'est soir de Saint-Jean, on va mettre un petit peu plus de groupes québécois. On s'est comme un petit peu peinturé dans le coin, comme on dit, parce que Marc nous a annoncé comme ça la semaine dernière. Puis même, il a fait une publication avec des spéculations sur les groupes qu'on pourrait mettre. Ben, pas qu'on pouvait mettre, mais qu'il a mis Excubus, Pangée, Visible Wind, des groupes... qui sont connus. Jacques Blais. Ben oui, en fait, on aurait pu faire toute une émission parce que quand j'ai regardé dans ma liste ce que j'avais comme groupe québécois, francophone ou anglophone, ben il y en avait toute une liste puis il a fallu choisir là-dedans parce qu'on veut garder quand même notre vocation de faire jouer les dernières parutions. Il y en aura, mais aussi on va intercaler là-dedans là, des groupes québécois qu'on aime bien. Le choix n'a pas été facile parce qu'il y en a une multitude de bons groupes. Ben, on y va dans les restes. Aussi, on peut le vendre la match, là. Il va y avoir Excubus, effectivement. Et Visible Wind, ben, on ne pouvait pas passer à côté, c'est le doyen. Là. En fait, à la fin des années 80, début 90, là, il nous sortait un Catharsis là, qui est un très bon disque, là, puis qu'on aime écouter encore. Mais on va écouter une bonne toune francophone, parce qu'il y en a fait aussi des pièces francophones, ouais. Visible Wind. En fin d'émission, là, on va entendre une pièce de l'album Émergence, là, qui les a permis d'émerger, si on peut le dire. En tout cas, de se faire connaître un peu plus. Ils sont venus souvent à Québec et ont donné des bons spectacles, entre autres en première partie d'Arena, là, dans un d'Auteuil archi-plein. Là. Et c'était vraiment magique. On va entendre aussi des pièces de parution récentes. Dans ce premier bloc, ben, il y aura Illward, mais on va débuter avec The Samurai of Prague qui ont sorti un très très bon disque, ça s'appelle On We Sail. Et sur ce disque-là, ben, il y a beaucoup de d'artistes invités. On retrouve entre autres Arion, et en parlant d'Arion, ben, The Theater Equation, ben, on va finalement l'avoir, la pièce. On va entendre une pièce de ça, mais en deuxième bloc. Donc, on débute avec The Samurai of Prague, qui sera suivi par The Watch, de leur album Seven, un nouveau disque qui est supposé d'être leur septième en oubliant Twilight, qui était sorti sous le nom de Night Watch. La pièce qu'on va entendre, c'est The Blackest Deed, qui est une reprise qu'on retrouvait sur Twilight du groupe de Nightwatch, qui en fait compte la même chose. En troisième, on aura Hill Ward et on terminera avec le groupe italien Promenade. We sail on. yours for another day. Feel the wind and glide onward. On we sail. On we thank you. weeks we lay, we dream. Voglio vivere in un castello per liberarmi delle cose stupide. Intanto fuori piove ma qui dentro è tutto meno che permeabile. Puoi fingere di aver successo ed innamorarti delle cose lucide. Infatti credo proprio che sarai dei nostri a corte dei miracoli. Atarassi. 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Pastissimo Traiteur et La Barberie ont du nouveau cet été. Enfin, vous pourrez vous régaler d'une bonne bouffe à La Barberie. Pour toute la période estivale, Pastissimo Traiteur comblera tous les appétits pour aussi peu que 8,50 $ directement sur cette magnifique terrasse. On vous propose jusqu'à 6 choix de menus différents chaque semaine et plusieurs promotions de fin soirée qui n'attendent que vous. Nous serons sur place pour vous 3 soirs, les jeudis, vendredis et samedis, dès 17h jusqu'à très tard. Venez prolonger vos moments de soleil sur la plus belle terrasse de Québec et accompagnez votre bière de microbrasserie d'une excellente bouffe originale à petit prix. Pour un été bien réussi, venez nous rejoindre à La Barberie, pastissimo.com. Et nous sommes de retour. On avait terminé avec, c'était quasiment une basse cour, hein, avec des bruits d'âne. Et... Donc, c'était Promenade d'un groupe italien. On a entendu la pièce Rococo. C'est un groupe dont Michel m'a parlé en bien. Je peux pas dire que j'ai adhéré totalement à ce disque-là, faudrait que je le réécoute un peu plus. Il y en avait un extrait aussi sur le dernier sampler du magazine Progressiste. Juste avant, c'était le très bon disque du groupe de Québec, Illward, Fly in Number Stone, on a entendu The End of Logic. Et juste avant, The Watch de leur album Seven, la pièce Blackest Deed, qu'on avait entendu aussi sur le premier album, mais avec un titre différent. Et on avait débuté avec The Samurai of Prague, avec leur très très bon On We Sail, qui est toujours bien présenté, des belles pochettes. Ah ben oui, c'est beau, puis un disque bien rempli, un petit peu plus qu'une heure. On a entendu la pièce titre, et je vous rappelle que vous pouvez avoir la feuille de route de l'émission à l'adresse www.terrainincognita.québec, et ce sera là dans le courant de l'avant-midi, mais vous pouvez aller chercher le podcast tout de suite à la fin de l'émission. Et ben tu veux nous parler de concerts? Il y a des petites nouveautés, hein, par rapport à la dernière fois? Pas vraiment. Tu n'en as pas ajouté une couple là, dernièrement? Non? Ben il y a The Box qui s'est rajouté. Oui, c'est à ça que je faisais allusion. Mais c'est au mois d'octobre. C'est encore loin. Moi, c'est encore loin. Fait que je pense que c'est le 25 octobre ou le 27, là, je suis pas sûre. Là, c'est un vendredi. C'est à la salle Jean-Paul Tardy. Okay. Où ce que normalement Jean-Louis produit ses spectacles. OK. Ensuite, on va retourner au mois d'août parce que ça s'en vient. Le 17 août, c'est Anathema à salle multi de Méduse. Le nouveau disque, là, des oui. Optimistes. Mm-hmm. Le 25 août, c'est Stickman à l'auditorium du Collège Garneau. Le 26 août, à Ken, à salle multi de Méduse. Le 9 septembre, Spock's Beer à salle Jean-Paul Tardy. Le 15 septembre, Mystery au Cirque. Le 13-14 octobre, c'est Proc Story à la salle Jean-Paul Tardy. Le 21 octobre, Pendragon. Et bien entendu, le 8 octobre, Unreal City à l'Antibar et Spectacle. Fait que vous pouvez obtenir des renseignements sur le site, la page Facebook de Terra Incognita en écrivant à Michel pour réserver vos billets ou à l'adresse suivante, Terra Incognita Mag. commercial@hotmail.com, et on attend avec impatience la sortie de leur nouvel album le 10 septembre. Ben oui, ça va être une bonne chose, et je sais, j'ose pas demander la même progression entre les deux disques. Le premier était très bon, le deuxième étant encore meilleur. On sait pas si le troisième va avoir la même progression, mais je suis persuadé que ça va être très bon. Et ben ça va être un excellent spectacle encore une fois, et surtout dans une salle très intimiste, hein. C'est maximum une centaine de personnes, et ce sera pas debout. Non, c'est assis. Non, il va y avoir des chaises qui vont être installées, même formule que l'an dernier avec Richard Schoblum, et on le sait, c'est nous autres qui les installent, les chaises. Et ben pour notre deuxième bloc, on va écouter du Arion, donc on va se décaper un petit peu les oreilles là, avec The Theater Equation, qui fait suite à The Human Equation. Donc c'est la version sur scène et la version théâtrale avec une foule d'invités dont James Labrie et Anneke van Gisbergen. Et ce qu'on va entendre, c'est Day 2, Isolation. Eh bien, Marc avait deviné juste, on va écouter du Excubus qui nous avait surpris en 2008 avec leur mémoire incubusienne. Un petit peu la même histoire que Maelstrom, dans le sens qu'il avait enregistré la moitié d'un album, mais il n'avait pas pu le sortir à l'époque. Donc, quand ils sont arrivés avec ça en 2008, ben ils ont composé, si on veut, une deuxième moitié. Ils ont tout mis ça sur le même disque. Et ben ça paraît pas. À cette époque-là, il s'appelait Incubus, mais entre-temps, il y a un autre groupe qui avait pris le nom Incubus, donc ils se sont appelés Excubus, mais il y avait une allusion dans le titre avec mémoire incubusienne. Et finalement, ben, on va entendre un long extrait de Citizen Kane's Stuart Bell. Marc en a mis des extraits et c'est un bon disque, hein? The Antechamber of Being Part 2. On va entendre la pièce Intervention. Tu avais un petit mot à dire, France? Oui, The Box, c'est vraiment le 27 octobre, à la salle Jean-Paul Tardy. 25, 27? 27. 27? C'est un vendredi. Bon, les billets sont déjà en vente. Oui. Bon, il va en musique avec Arion. Can't you feel it? We'll be right back. Unearthly presence has threatened. I want to help shake hands. Vous écoutez CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Du 29 juin au 10 juillet, Québécois présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le mouvement Desjardins, la 34e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Pour l'occasion, des navettes partiront de la gare centrale de Québec vers Tadoussac, jeudi 29 et vendredi 30 juin à midi. Retour vers Québec également offert, lundi 3 juillet à 9h et 10h. 40$ pour l'aller-retour, 20$ pour un aller simple. Informez-vous au 1-866-861-4108, une invitation de la bière Belle Gueule. Vous écoutez CKRL 89.1. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. CKRL vous souhaite une bonne fête nationale. Ben, ça, c'est gentil hein, de se faire parler d'amour par Gilles Vigneault. Ben oui. Bruno était un petit peu insulté tantôt parce qu'on n'a pas parlé de Lucien. Ben c'est ça. Lucien Francoeur. Autre chose, va être à l'Antibar et spectacle dans le cadre du festival d'été qu'on ne suit plus depuis quelques années. Il va être là le 10 juillet à compter de 22h. Ben oui, autre chose. Ils ont fait des bonnes choses quand même, autre chose. Oui. Bruno est un fan invétéré, je pense, de Lucien Francoeur. Hein? T'as toutes les 10 de autre chose et même de Lucien, le coffret de Lucien. Un grand admirateur. C'est un homme assez original. Ah oh, oui. Un poète. Hein? Ah ben oui, c'est un poète. C'est comme ça qu'il se définit. Mm-hmm. Et c'en est un, vraiment. Là. Mais moi, j'aimais bien écouter autre chose quand j'étais jeune. Et ben, on a entendu Stuart Bell, Citizen Kane. Stuart Bell, il a repris le flambeau de Citizen Kane. Et ben, comment je dirais, je trouve qu'il a fait ça d'une belle manière avec son album The Antechamber of Being Part 2. Il y avait Part 1 aussi avant. Un disque qui est rempli jusqu'au bord, là, à peu près 75 minutes, des longues suites comme ce qu'on vient d'entendre. Mais il est allé chercher Simone Rossetti du groupe The Watch. Donc, ça fait pas une différence énorme, le côté vocal, par rapport à ce que Citizen Kane faisait avec Cyrus. Parce que les voix sont assez semblables. Et on a reconnu aussi Arlene Anthony Lucassen sur cette pièce-là, parce que lui aussi chante sur ce disque-là. Donc, une belle réussite. Et juste avant, c'était Excubus de Mémoire incubusienne, on avait entendu. Abomination d'une quarte de triton. Ben oui, c'est un titre original. Bruno a du fun de ça. Et on avait débuté avec Arion de Theater Equation, un album double avec un DVD où ce qu'on voit la prestation avec tout le monde qui ont participé à ce concert-là. Et même Anthony Lucassen, en fait, il joue même pas sur ce disque-là. Il a juste participé à la conception, à la réalisation. Mais il n'est pas là comme musicien ni comme chanteur. Et pour ce troisième bloc, ben, on va entendre du Bjørn Riis, le leader là, de Airbag, le groupe norvégien, qui a sorti un très bon disque qui s'appelle Forever Comes to an End, que vous avez entendu via Michel et Marc dans les dernières semaines. On n'écoutera pas la même pièce, évidemment. On va entendre Winter. Et ben, pour poursuivre avec nos groupes québécois, petite surprise que possiblement beaucoup de monde ne connaissent pas, Talisman, un groupe qui était sur Unicorn. Et dernièrement, j'ai pu mettre la main sur les deux premiers. Moi, j'avais celui qu'on va entendre, qui s'appelle « Quelque part ». Moi, j'aimais bien. C'est du progressif instrumental. C'est un groupe de Montréal. Et ben moi, je trouve ça très bon. C'est un petit peu, je dirais, fusion par moment, là, mais c'est recherché, c'est très bon, c'est instrumental. Donc, on va entendre la pièce « L'aube ». Et on terminera ce bloc avec le groupe Troposphère, un groupe américain que Michel vous a présenté il y a déjà à peu près 3 semaines. Donc on va en musique avec Bjørn Riis. the size. Makes me bleed. And she makes me feel all dead inside. I teeter and I'm rider again. 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Pastissimo Traiteur et La Barberie ont du nouveau cet été. Enfin, vous pourrez vous régaler d'une bonne bouffe à La Barberie. Pour toute la période estivale, Pastissimo Traiteur comblera tous les appétits pour aussi peu que 8,50 $ directement sur cette magnifique terrasse. On vous propose jusqu'à 6 choix de menus différents chaque semaine et plusieurs promotions de fin soirée qui n'attendent que vous. Nous serons sur place pour vous 3 soirs, les jeudis, vendredis et samedis, dès 17h jusqu'à très tard. Venez prolonger vos moments de soleil sur la plus belle terrasse de Québec et accompagnez votre bière de microbrasserie d'une excellente bouffe originale à petit prix. Pour un été bien réussi, venez nous rejoindre à La Barberie. Pastissimo.com. Troposphère, on a terminé le bloc avec le groupe américain Troposphère de leur album éponyme avec la pièce Lighter Than Air. Cette pièce-là, moi, ça me faisait penser un petit peu à du Moody Blues, du Moody Blues un peu vaporeux, là. Mais c'est un groupe qui flirte un peu avec la pop. C'est bien fait, des beaux arrangements, là, mais ça sonne un petit peu pop, ce qui n'est pas mauvais en soi. On avait débuté, pas débuté, mais juste avant, c'était le groupe québécois. On ne sait pas ce qui est devenu, là, mais ça s'appelle Talisma. Et c'était leur troisième disque, ça s'appelle Quelque part. Moi, j'ai découvert les deux premiers dernièrement en faisant l'acquisition. Et j'ai été assez emballé. Ça m'a donné le goût d'en mettre ce soir pour une espèce de spécial Saint-Jean-Baptiste, où on revient sur des groupes québécois et pas nécessairement les plus connus. On avait débuté aussi avec Bjorn Riss du groupe Airbag, mais qui a sa carrière. Deuxième disque, en tout cas, c'est le deuxième comme je connais. Forever Comes to an End avec la pièce Winter. Et c'est déjà presque la fin pour nous. Hein. Il reste juste un bloc, ça passe vite. Et on va faire là un petit blitz là, de groupe québécois. Mais avant, on va débuter par un groupe canadien qui s'appelle Machines Dream. Moi, c'est le deuxième que je connais d'eux autres. Il y en a quatre. Celui-là s'appelle Black Science. Et moi, je suis tombé là-dessus la semaine passée. C'est Michel qui m'est arrivé avec ça. Je suis resté assez surpris. Faudrait que je réécoute celui d'avant. Là. C'était le deuxième que je connaissais. J'ai complètement manqué le troisième. Et ça sonne un petit peu comme du... moi, je dirais Roger Waters, mais peut-être moins sombre. Là. Mais on reconnaît des accents de ça. Et tantôt, on parlait de Visible Wind, on peut pas passer à côté. Hein? Donc, on va entendre une pièce qu'ils ont faite en français, ils en ont fait quelques-unes. À l'époque, là, quand ça a sorti, là, en 94, je me souviens bien, ça passait à radio, cette pièce-là. Face à la télévision. On entendait ça sur des radios commerciales. C'est assez surprenant. Une bonne pièce. C'est la seule pièce en français que sur ce disque-là. Il se permettait des expérimentations, je dirais, surtout sur ce qu'on pourrait appeler la deuxième face. Mais la première, en fait, il y avait une pièce, ça débutait avec une pièce de 14 minutes 27. Une très, très bonne. Sweet Perdition. C'est... excellent, très bon disque qui s'appelle Émergence. On va entendre la pièce Face à la télévision. On va faire suivre ça par le groupe de Montréal, Huis. En fait, on s'obstine tout le temps sur le nom. On dit House ou différentes façons. Là, on le prononce à la néerlandaise. Mais moi, j'ai demandé à Michel Saint-Père, puis il m'a dit tout simplement Huis. Bon, on va se soumettre à cette volonté. On va appeler ça Huis, c'est le plus pratique. Et ensuite, on terminera ce petit bloc-là avec Amadriade et on revient après pour des commentaires. We'll be right back. Welcome, ladies and gents, to the winds of prostitution. Welcome, baby, to your new constitution. take off your clothes and leave on the light so everyone knows. There's blood in the morning after the knives. Another day, you're still alive. There's a man on the corner, and I don't like what he's for. He's screaming, we need another war. Et c'était Amadriad, précédé de Whis et juste avant Visible Wind. Et on avait débuté ce bloc avec Machine's Dream. Et bien, on termine, histoire de faire transition avec l'autoroute et Stéphane Villeneuve qui suivent tout de suite après nous. Alors, on termine avec la réédition 50e anniversaire de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Et ce qu'on va entendre, c'est une version alternative de Being for the Benefit of Mr. Kide. Et je vous conseille fortement ce disque-là pour le remixage là, du fils de George Martin, qui a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, on vous laisse là-dessus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonne semaine. Et on se reparle et vous nous écouterez au mois d'août. On va être de retour. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. K. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. CKRL 89.1. On a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés. Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, Bière! Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus. Reste-toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Puis 2-3 puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Du 29 juin au 8 juillet, rendez-vous à Petite-Vallée pour vivre la 35e édition du Festival en chanson. 10 jours de spectacle au bord de la mer avec Patrick Normand, les Sœurs Boulay, Vincent Vallière, Louis-Jean Cormier, Matt Lubowski, Patrice Michaud, Éric Lapointe et plusieurs autres. Pour information, visitez le www.festivalenchanson.com ou composez le 418-393-2222. Le Festival en chanson de Petite-Vallée, une présentation d'Hydro-Québec et Québecor en collaboration avec Desjardins. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Récemment sorti chez Slam Disc, Lit, le nouvel album double de Smash It Combo. Je suis venu faire premier level en appuyant le bouton ça. J'ai pas l'impression de faire monter mes stats. Mauvaise direction, je me bombe sur la main. Rippé Rock l'univers, le plus récent EP de Rippé. Salut, bonjour, j'ai Nao pis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, j'ai Nao pis mon café. Et Noé Talbot avec le EP, déballer le présent extra. Vous m'aviez tant promis un brouillon blanc sans rater. Ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques.